aujourd'hui un domaine de recherche où les progrès technologiques sont encore plus secrets que les coins à truffes dans une forêt de Dordogne, c'est bien la téléphonie mobile. Et si votre prochain portable pouvait se dérouler à partir d'un tube grand comme un stylo? Et si l'écran de ce portable pouvait s'étirer pour prendre la forme d'une tablette, voire d'un téléviseur, sans perdre le moindre pixel de résolution? Mieux, avec une résolution encore supérieure aux écrans actuels. Et mieux encore, si ces technologies d'écran souple étaient également l'avenir non seulement de l'éclairage, mais aussi de la médecine. Bref, si l'avenir de l'affichage était déjà là, au coin de notre poche. Écran souple, regardez, c'est plié, c'est le programme dont nous allons nous saisir lestement dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour essayer de percer à jour les avancées donc ultra secrètes de la recherche dans ce domaine hautement convoité, également très lucratif, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Georges Adioanou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire de chimie des polymères organiques, professeur de chimie à l'université de Bordeaux. Vous êtes académicien, récemment élu à l'Académie nationale d'ingénierie des États-Unis et également directeur de la plateforme Elor Printech, une plateforme qui est dédiée à la création de matériaux électroniques organiques innovants. Bonjour, Lionel Hirsch. Bonjour. Vous êtes physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire de l'intégration du matériau au système de l'université de Bordeaux. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour et bien en direct sur les ondes de France Culture, sur votre poste de radio, sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou votre tablette bien entendu, mais aussi sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors bien, pour commencer, il est vrai que les annonces en matière d'écran souple dans la téléphonie mobile pleuvent depuis quelques mois, voire quelques années, mais le calendrier semble s'accélérer ces dernières semaines. Plusieurs constructeurs ont fait des annonces fracassantes en disant que leur prochain modèle dans le courant de l'année serait un modèle pliable. Est-ce que ça veut dire qu'on est enfin à l'aube de cette ère des téléphones souples qui a été si longtemps annoncée, Georges Adioanou? Oui, en effet, il y a un brevet qui est apparu il n'y a pas longtemps de la société Apple qui nous annonce que le prochain téléphone peut-être ce sera pliable ou flexible. Déjà, il y a des téléviseurs qui sont pliables, plus ou moins. Et puis, bien d'autres technologies conséquentes à ça, qu'on va parler durant cette ère-là. Donc, il n'y a pas que Apple, il y a Samsung aussi qui a annoncé que son prochain Galaxy serait peut-être pliable. Bon, enfin, oui. Galaxy l'a montré à Barcelone la précédente fois et cette fois-ci à l'Expo de Barcelone de téléphonie mobile. Et en effet, il a montré plusieurs modèles futurs de téléphones pliables. Ça veut dire, Lionel Hirsch, que ça y est, on y arrive enfin, parce que c'est annoncé depuis, allez, 3, 4, 5 ans, disons, à la louche, mais ça fait quelques années qu'on nous annonce l'arrivée de ces écrans souples qui vont être dans notre poche. Ah oui, ça fait quelques années. Ça fait déjà dans les laboratoires des écrans souples, ça fait un petit moment que ça existe. Maintenant, bah, c'est le futur, tout proche. Et il y a des grandes entreprises qui ont pris le devant pour prendre l'industrialisation de tout ça. Et là, c'est dans les prochains, je dirais, prochains mois, plutôt peut-être prochaines années, ça sera commun. On y est, mais on n'y est peut-être pas encore tout de suite. C'est vrai qu'on le dit, hein, c'est un secteur qui est porté par la téléphonie, hein, qui s'intéresse de très près à ces écrans souples. Est-ce que ça veut dire que du fait de cet intérêt, de cet investissement industriel qui promet effectivement des débouchés certainement très lucratifs vu l'actuel marché du téléphone portable, ça veut dire qu'aujourd'hui la recherche a pris un coup d'accélérateur en quelque sorte, Lionel Hirsch? Alors, accélérateur, comme je disais, ça fait un petit moment que ça tourne, tout ça. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que c'est si lucratif que ça? Parce qu'un téléphone qui est rigide, quand on le fait tomber, il casse, on le remplace. Un téléphone qui est souple, on le fait tomber, on le ramasse et puis on s'en resserre. Donc ça, c'est plutôt bien pour le consommateur, finalement. On va voir, il y a d'autres problèmes, notamment ces téléphones, pour le moment, où ces écrans souples, ils ont des problèmes de durée de vie. C'est l'un des, on va en discuter, Georges Adioanou, c'est l'un des problèmes majeurs de ces technologies, pour le moment. Bon, enfin, si on va un peu en arrière, on regarde l'historique. La première découverte d'un possible écran, ça a été fait dans la société Kodak. En fait, ils ont dévoilé le fait qu'ils travaillaient là-dessus, 1985. C'était le docteur Ting qui l'a fait ça. Bon, Kodak, on sait qu'elle était dans la photographie. Elle voulait faire éventuellement la photographie digitale, d'où l'impulse de la recherche fondamentale de cette société à l'époque. Parallèlement, il y a une autre découverte qui a été faite en 77, où il a apparu que les polymères semi-conducteurs, peut-être qu'on en parlera plus tard. On va en parler tout de suite, d'ailleurs. Puisque vous y allez, Georges Yazuhanou, allons-y. 77, c'est effectivement un peu peut-être le point de départ hein, de cette recherche sur les écrans. En fait, c'était une découverte par serendipity, on va dire, parce qu'il y avait des chercheurs à l'Université de Pennsylvanie qui cherchaient à trouver des matériaux éventuellement type polymère, où on enchaîne les molécules l'une après les autres. Mais les molécules, après, dans le temps, c'est du soufre et de l'azote et multiples connexions. Et ces molécules-là, il se trouve qu'ils étaient supraconducteurs. Donc, ils étaient à la recherche de nouveaux molécules. Et puis, un de trois collègues qui ont eu le prix Nobel dans cette découverte... Prix Nobel en 2000. 2000. Oui, c'était par hasard qu'ils ont trouvé que les polymères conjugués, qu'est-ce que c'est un polymère conjugué? C'est un polymère où on alterne les liaisons simples et les liaisons doubles. Et en fait, pour le faire simple, c'est comme les carotènes. Pour ceux qui connaissent les carottes, ils ont une couleur qui c'est orange. Orange. Et c'est dû à des molécules qui ont des liaisons alternées. En fait, si on va un peu plus vers la science, c'est une forme du carbone, que c'est l'hybridisation du carbone qu'on appelle en chimie SP2. Et en fait, on crée des liaisons covalentes sigma et aussi pi, où on met l'énergie dedans. Et dans cette famille de liaisons SP2, ça appartient aussi les graphènes et les nanotubes de carbone. Dont on va parler, qui ont des propriétés conductrices ou superconductrices. Voilà. Un mot peut-être effectivement, Lionel Herche, ce prix Nobel de chimie qui a été remis en l'an 2000 donc à Iger, McDiarmid et Shirakawa pour bien cette découverte. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ces polymères, qui sont a priori plutôt isolants, d'un seul coup deviennent conducteurs? Quelle est l'opération magique, chimique plutôt que magique d'ailleurs, qui rend ces polymères d'un seul coup conducteurs et qui a ouvert la voie à la recherche sur les écrans souples? Ben, ces polymères, en effet, jusqu'à présent, ils étaient isolants. Et le plastique qu'on nous entoure est principalement isolant. Et avec l'hybridation SP2 dont vient nous parler Georges Yazuhanou, il y a eu une nouvelle classe de semi-conducteurs. Et ces polymères, une fois qu'on les a dopés avec des vapeurs d'iode, ils deviennent conducteurs. Mais probablement, Georges Yazuhanou nous expliquera ça plus attentivement parce qu'il est chimiste. On peut expliquer, Georges Yazuhanou, en quelques mots, de façon un peu sommaire, que c'est très simple. Voilà, il y a des trous, il y a des passages d'électrons qui sont possibles, et donc, s'il y a passage d'électrons, il y a courant électrique. Pour positionner un peu le sujet, c'est que l'électronique qu'on a aujourd'hui, c'est basé à la base du silicium. C'est une matière inorganique qui se trouve en abondance sur terre, sur le sable. Il faut le réduire pour faire le silicium. Là, pour le faire conducteur, on remplace un atome avec un hétéroatome où on réussit, où on appauvrit un électron dans le réseau du silicium. Tandis que dans les polymères, il y a un processus, les polymères conjugués, donc comme les carotènes, on a un processus qu'on appelle d'oxydoréduction. Ça veut dire que soit on enlève un électron, soit on ajoute un électron, donc oxydation, réduction, et ça confère au système le dopage. Et plus on le dope, ça veut dire plus on met enlève des électrons, on met des électrons, on fait des charges qui conduisent en fait le courant. Voilà. Et c'est comme ça qu'on rend un polymère a priori isolant, et bien du coup... Enfin, un polymère isolant que j'ai amené ici, qui c'est le polyéthylène, en fait. Vous avez amené, je le décris pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, mais vous avez amené une corde blanche qui est effectivement un polymère polyéthylène plastique. C'est un polyéthylène plastique. Et ce polyéthylène plastique, on peut faire des sacs pour aller faire nos courses. Il n'est pas du tout conducteur, il ne peut pas devenir conducteur parce que, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, il y a une autre forme de carbone qui est ici, c'est le SP3. Donc, si on les rend à SP2, la forme de carbone comme le polyacétylène, donc ça devient conducteur, mais il garde les propriétés du polymère. Ça veut dire que cette corde ici, elle est aussi tenace que l'acier, donc on peut se pendre sur un parachute et ainsi de suite. Qui fait l'intérêt des polymères, c'est que pendant 70 ans, 100 ans maintenant, on sait les manipuler, les mettre produire, en œuvre, les produire en masse. Oui. Donc, on a un gain de toutes ces compétences, connaissances accumulées pendant des décennies, qu'on peut les traduire à des polymères conjugués, donc semi-conducteurs. Et de l'autre côté, je vous ai évoqué le silicium qui nous a amené aujourd'hui à cette technologie d'électronique. Donc, on bénéficie de deux évolutions pendant les derniers siècles qui nous amènent à un nouveau domaine, un domaine de rupture. Voilà, le début, c'est effectivement ces premiers résultats sur le polyacétylène brillamment résumé par Georges Adioannou. Toute cette recherche continue et amène effectivement, disons, au point de départ de ce que va être la suite de notre conversation et ces écrans souples. C'est ce qu'on appelle la technologie OLED. Et là, ça se passe plutôt au début des années 90, Lionel Hirsch. Je vais juste revenir sur un point. C'est pour qu'on comprenne bien la différence qu'il y a entre le SP2 et SP3, des matériaux qu'on a tous les jours, ben le SP3, c'est le diamant, et le SP2, c'est le charbon. Et alors que dans les deux cas, c'est du carbone, c'est pas la même hybridation, on a deux matériaux qui sont très différents, et c'est exactement le même style de différence qu'on a sur les plastiques. C'est enfin, du plastique dans les deux cas. C'est pas le charbon, c'est le graphite. C'est le graphite. Oui. Le charbon, c'est SP3. Oui, parce que le graphite et le graphène, et d'ailleurs je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée précisément au graphène et aux nouveaux matériaux, et le graphène qui a des propriétés conductrices très intéressantes dans l'industrie, dont nous avons parlé au cours de cette heure, parce que ces propriétés conductrices du graphène, eh bien, elles vont conduire notamment à développer la recherche autour de ces écrans souples. Un mot donc sur ces, pour faire un petit bond dans le temps, sur cette technologie OLED qui arrive à la fin des années 80, début des années 90, Lionel Hirsch. Alors, pour faire une OLED, il faut avoir ce type de matériaux, que ce soit des polymères ou des petites molécules, et il faut pouvoir injecter des charges à l'intérieur. Et ce matériau, il faut qu'il soit à l'état excité pour qu'il puisse émettre de la lumière. Et à partir du moment où il émet de la lumière, c'est gagné, on a une OLED. Alors les premières OLED, c'était pas super performant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça émettait de la lumière, mais on était quand même loin de faire d'avoir les performances qu'on a aujourd'hui. Et depuis de nombreuses années, la recherche a fait en sorte qu'on a amélioré le confinement des charges de façon à augmenter de façon incroyable le rendement des diodes électroluminescentes. Si on peut dire aussi, initialement la découverte a été faite pour faire le conducteur. La découverte que les molécules polymères, parce que je vous ai évoqué que Kodak il a déjà fait l'invention de faire des émetteurs de lumière avec des petites molécules. Ça a été fait à Cambridge, à l'université de Cambridge en Angleterre, par hasard, parce qu'ils essayaient de faire des transistors et ils ont mis beaucoup de courant sur les transistors et ils commençaient à mettre des lumières. Et donc, la première découverte d'émission de lumière par les polymères conducteurs, c'était en travaillant sur un transistor avec des polymères. Donc ça a fait une révolution parce que tous les scientifiques jusqu'à présent, ils essayaient de faire vraiment des conducteurs supraconducteurs. Mais quand on a pris les polymères à l'état pur, donc semi-conducteur, pas de dopage dedans, mais ça a ouvert un nouveau domaine de diodes électroluminescentes et ainsi de suite. Alors, je vais vous poser une question finalement assez simple et assez générale. Comment se fait-il que la recherche en électronique sur les conducteurs de type à base de silicium n'ait pas permis aujourd'hui concrètement d'arriver à des formes d'écrans souples? Pourquoi les écrans qui sont produits par la voie classique électronique sont des écrans rigides? Qu'est-ce que la technologie OLED change là-dessus, Georges Adioannou? Ça aide, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que les polymères, comme je vous ai dit, avec la corde que je tiens à la main, on peut les rendre à la fois semi-conducteurs et les laisser polymères. Et pourquoi ça? Parce que toute l'énergie d'excitation qu'on met, soit électrique, soit photonique, elle va sur des liaisons doubles et il reste la liaison covalente en dessus. Donc, il reste flexible, les polymères, comme on les conçoit sur tout notre environnement. Tandis que les matériaux du silicium, quand on met une excitation, on coupe la liaison. Donc, on n'a plus la possibilité de la manipuler comme on veut. Et en plus, comme on avait dit au départ, le silicium, c'est un cristal. Donc, elle ne peut pas devenir souple. Quoique, on arrive à faire des couches très minces, mais alors... Mais très fragile. Très fragile, parce que c'est comme du verre, quoi. Ça casse. Lionel Hirsch. Le silicium, c'est un cristal. Là, évidemment, c'est pas très radiophonique, mais dans ma main, On a plein de choses. Il faudrait presque descendre, venir prendre des photos pour qu'on vous les mette sur Twitter. J'ai une cellule solaire à base de silicium qui, celle-là, malheureusement, est cassée. Mais un cristal, c'est fragile. Surtout que ces types de cristaux, ils font à peu près 350-400 microns d'épaisseur seulement. Si jamais je le tords, il casse. Si je prends la même chose avec un plastique, je peux le tordre, il ne casse pas. Donc le silicium, il ne peut pas être souple par essence, sauf si on le fait de façon très mince. L'autre problème avec le silicium, c'est que c'est un semi-conducteur qu'on appelle à gap indirect. Et un semi-conducteur à gap indirect émet très très peu de lumière. Donc il y a d'autres semi-conducteurs minéraux qui émettent de la lumière. Fil nitrure de gallium, toutes les diodes blanches que l'on a actuellement, elles sont à base de nitrure de gallium, sauf les OLED. Mm-hmm. Et il y a aussi le phosphure d'indium, etc. Mais le silicium n'est pas équipé, on va dire, pour émettre de la lumière. Ce qui est intéressant sur ces OLED, c'est que effectivement, sur cette technologie OLED, non seulement elle produit de la lumière, donc il n'y a plus besoin de rétroéclairage, et ça aussi, c'est une grande part de changement par rapport à toute la recherche aujourd'hui sur les écrans dits classiques et qui composent la plupart de l'électronique d'aujourd'hui. C'est des écrans qui ont dit de émissivité directe, tandis que les écrans classiques qu'on a basés au cristaux liquides, c'est pas émissif par eux-mêmes. Il y a un arrière-plan qui émet de la lumière, qui le fait apparaître les différentes couleurs. D'ailleurs, la première application des OLED, c'était par LG, je crois. Elle a utilisé les OLED, mais en tant que plan de l'éclairage de cristaux liquides devant. Et aujourd'hui, on a d'autres technologies qu'on va en parler plus tard là-dessus. Mais je voulais revenir parce que vous m'avez posé tout à l'heure la question de stabilité et ainsi de suite. C'est vrai que 89, quand il a été inventé que les polymères ils peuvent émettre de la lumière, tout le monde disait que ça ne va pas marcher trop parce qu'ils ne vont, ils vont pas tenir longtemps. Ils vont se dégrader rapidement. Ils vont se dégrader rapidement. Mais les recherches... Ils ont montré que quand même, si on encapsule très bien les objets qu'on construit où on n'a pas beaucoup d'oxygène qui peut les dégrader, ou l'eau, c'est rendu possible aujourd'hui parce que le dernier téléphone d'Apple, le X, c'est des OLED en fait. Mmh. Et ils sont bien encapsulés sous les verres et ils marchent très bien. Alors, on va revenir dans un instant, on va essayer d'aller voir et d'aller précisément dans un laboratoire pour comprendre comment fonctionne cette technologie OLED. Vous nous en avez, l'un et l'autre déjà dit un mot. Peut-être qu'on peut compléter un peu cette liste des avantages et des inconvénients. Hein. On l'a dit, les avantages, donc pas de rétroéclairage. C'est pour le coup extrêmement fin à cause de cette double liaison dont nous parlait Georges Adjouanou, Lionel Hirsch. Alors c'est particulièrement fin. Il faut savoir que la couche qui va émettre la lumière, c'est on va dire une centaine de nanomètres pour arrondir. Sachant qu'un cheveu, qui est déjà très fin, un cheveu c'est autour de 50 microns. Donc c'est beaucoup beaucoup plus fin qu'un cheveu. Donc il n'y a quasiment pas de matière. Et finalement, l'épaisseur de l'OLED, ça va être l'épaisseur du substrat. Ce substrat qui est un substrat qu'on va appliquer de façon liquide, et pour que les gens comprennent bien, en fait, ce qui est souple, c'est le substrat, évidemment, puisqu'on entend, il est liquide et c'est quasiment au niveau moléculaire. Le substrat, il n'est pas liquide. Le substrat, ce qu'on appelle substrat, c'est le support sur lequel on va faire l'OLED. Ça va être un morceau de plastique, de verre, un morceau de papier, ce qu'on veut. C'est-à-dire que le substrat sur lequel on pose l'OLED, c'est ça. C'est ces substrats-là qui peuvent être, donc, effectivement, plastiques, souples, puisque l'OLED en lui-même résiste à la torsion, Georges Azuane. Oui, c'est que je voudrais dire. Aussi, il y a un avantage pour ce type de matériaux organiques, c'est que pour faire aussi d'autres objets comme le photovoltaïque, on va parler plus tard, c'est que quand on a un silicium, pour absorber suffisamment de lumière, le rendre la lumière en électricité, il faut que la couche soit suffisamment épaisse pour qu'on puisse absorber suffisamment de lumière. Tandis que c'est prouvé de façon élémentaire physique que les polymères conjugués avec les doubles liaisons que je vous en ai parlé, ils ont une capacité d'absorber la lumière, si je puis dire de façon très simple, beaucoup plus importante, ce qui les rend possible à faire des objets, des dispositifs qu'on appelle très minces, et qu'ils ont la même capacité d'absorption de lumière pour faire le photovoltaïque. Donc c'est un avantage parce qu'on consomme moins de matière aussi. Et puis on l'a dit, donc ça c'est sur les points positifs, pas de rétroéclairage, c'est extrêmement fin. Du coup on obtient aussi quelque chose qui change par rapport aux techniques d'éclairage aujourd'hui. C'est un noir véritable, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'éclairer le noir. Pour faire du noir, on n'allume rien. Voilà, simplement. Tout simplement. Alors que pour la technologie des cristaux liquides, pour faire du noir, il faut filtrer complètement la lumière blanche qui est derrière. Mais au rang des inconvénients pour le moment, et on va en reparler dans un instant sur les techniques de production, on l'a dit, durée de vie limitée, les choses sont en train de s'améliorer, mais pour le moment, la durée de vie est relativement courte. Si vrai que ça, c'était très limité, c'est vrai au début, mais comme précisait Georges Adjenou tout à l'heure, les progrès de l'encapsulation et même de la synthèse des matériaux a été tel que maintenant les durées de vie sont grandes. On a des durées de vie de plus de 10 000 heures sans problème. Un des défis des matériaux en général pour l'électronique, depuis le début évidemment, on ne parle pas beaucoup pour le silicium, c'était faire la science des matériaux, les rendre ultra purs. Donc on connaît tout ça, tous ces mécanismes pour le silicium et toute l'électronique qu'il y a derrière, mais pour les polymères en principe, comme ça vient d'être évoqué, les chimistes, ils ont pris soin à ce qu'il n'y a plus des impuretés du catalyseur et autres, et ça les rend beaucoup plus stables qu'auparavant. Mis à part qu'il faut les encapsuler quand même. Il faut les encapsuler parce que l'autre inconvénient, c'est une certaine sensibilité à l'humidité et à l'oxygène. Mais on va reparler de tout ça puisqu'on va aller voir dans quelques secondes comment on déploie cette technologie OLED. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, passé de quelques secondes, nous allons continuer à parler de cette technologie OLED et des autres technologies qui permettent d'arriver à des écrans souples. On vient d'entendre que cette technologie a déjà beaucoup progressé depuis la recherche à la fin des années 80, début des années 90, où on a commencé à la mettre en place. Alors, comme souvent à la méthode scientifique, nous sommes allés voir comment on déploie cette technologie. Bonjour Céline Lezenne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une fois de plus, vous êtes allé dans votre endroit préféré au monde, à savoir sur le plateau de Saclay, mais oui, au CEA précisément, dans le laboratoire Nanosciences et Innovation pour les matériaux, la biomédecine et l'énergie, d'où vous êtes revenu avec un nouveau téléphone dont on parlera après l'émission. Je vous le montrerai pas. Alors j'ai rencontré Bernard Geffroy qui est un spécialiste de l'électronique organique. Il développe des matériaux alternatifs pour faire des écrans qui soient à la fois transparents, souples, et surtout qui conduisent bien l'électricité, comme certaines formes de plastique dont on a parlé. Alors le défi, c'est de fabriquer des pistes conductrices, chose qu'on arrive déjà à faire pour les cellules photovoltaïques. Et l'idée, c'est de reprendre le même procédé et de l'appliquer pour la fabrication des écrans, sachant que la difficulté reste de le faire pour des très grandes surfaces. Ici, c'est un laboratoire principalement de chimie. On cherche à développer de nouveaux matériaux qui vont avoir justement pour essayer d'améliorer par exemple les efficacités. Ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que souvent lorsqu'on veut mettre par exemple pour fabriquer une OLED, par exemple, on va devoir déposer des matériaux organiques sur un substrat plastique. Le substrat n'est pas forcément adapté parce que ça ne va pas coller, ça ne va pas, etc. Donc il faut faire des modifications de surface. Donc c'est ce qu'on fait aussi dans ce laboratoire ici. On modifie la surface des matériaux pour qu'on puisse y accrocher des molécules ou déposer des encres, par exemple, par des imprimantes jet d'encre. Quels sont les matériaux supports? On parle beaucoup de polymères, des plastiques. Ici, vous manipulez des plastiques sur lesquels vous imprimez des circuits électroniques? Oui, alors le matériau qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est un polyéthylène, le PET, parce que, en fait, comme on a des matériaux sur lesquels on va jouer sur les propriétés électroniques, il va falloir mettre des électrodes. Et si on veut émettre de la lumière ou... Quand on fait une cellule solaire, il faut que la lumière rentre dans le matériau, il faut des électrodes transparentes. Et aujourd'hui, la seule chose qui existe vraiment, enfin qui marche bien, qui est un peu connue, c'est ce qu'on appelle un oxyde d'indium et d'étain, qui est déposé classiquement sur les verres. C'est ce qu'on trouve classiquement dans tous les écrans. C'est ce qui rend un peu le côté tactile des écrans aussi? Oui, alors, mais ça sert surtout à pouvoir transporter des charges électriques, tout en ayant un conducteur transparent. Alors on sait le déposer sur du verre, ça marche très bien. Sur du plastique aussi, mais les conductivités sont plus faibles parce qu'on ne peut pas faire de traitement thermique. Pour le rendre bien conducteur, l'ITO, il faut faire un traitement thermique pour le cristalliser. Et sur du plastique, évidemment, on est limité à une centaine de degrés, un petit peu plus parfois, mais guère au-delà de 100 degrés. Donc on ne peut pas très bien donner une très bonne conductivité aux matériaux. Donc on recherche aujourd'hui des alternatives à l'ITO. Donc ça veut dire qu'il va falloir développer des conducteurs transparents et qui ont de bonnes conductivités. Alors, meilleur que l'ITO, c'est possible. Donc on pense des solutions comme du graphène, comme des nanotubes de carbone, que l'on va imprégner dans un polymère par exemple. Mais aujourd'hui, ça n'est pas encore à l'état de l'art concernant l'ITO. Mais enfin bon, voilà, les études sont en cours. Par rapport aux écrans souples, les technologies que l'on développe ici dans ce laboratoire, eh bien ça va être d'une part travailler sur des pistes conductrices pour être capable de rendre le plastique conducteur. Alors, sur les écrans, lorsqu'on va déposer sur du plastique, il y a aussi un autre point qu'il faut intervenir, c'est que souvent ces matériaux organiques sont sensibles à l'atmosphère ambiante, à l'oxygène et à l'eau. Donc, il va falloir les protéger de l'atmosphère ambiante. Donc, lorsqu'on les travaille dans les laboratoires, on travaille dans des boîtes à gants qui sont à l'abri de l'oxygène et de l'air. Mais lorsqu'on va ensuite sortir le composant, s'il n'est pas protégé, il va se dégrader très très vite. Donc, il va falloir développer ce qu'on appelle une encapsulation très efficace. Alors, lorsqu'on est sur des écrans rigides comme on trouve aujourd'hui, ils sont déposés généralement sur une plaque de verre. Ce qu'on fait, c'est qu'on colle par-dessus une autre plaque de verre. On empile des couches, en fait. Voilà. Mais si on veut faire ça sur du plastique, on perd la souplesse. Donc, il y a aussi un travail qu'on fait aussi dans le laboratoire qui consiste à essayer de développer des couches flexibles avec des propriétés barrières suffisantes pour protéger le matériau organique. Et vous avez justement ici des installations qui permettent de manipuler ces couches. Oui, alors dans le laboratoire, c'est pour ça que vous pouvez voir qu'on a un grand nombre de comme je disais tout à l'heure, de boîtes à gants. C'est une enceinte en fait qui va être remplie d'azote purifié dans lequel on a retiré l'eau et l'oxygène. On a un très faible taux d'eau et d'oxygène. Donc elles sont en légère surpression et on manipule à l'intérieur nos objets de recherche en travaillant avec des gants. Ce sont des gants en fait, hein, que l'on met, puis on rentre la main à l'intérieur et puis on manipule nos échantillons. Par exemple, vous voyez, on a des cellules photovoltaïques qui possèdent une certaine souplesse. Ce qu'on a entre les mains, c'est on pourrait vraiment l'appliquer à la place de plaques industrielles classiques. Oui, alors on peut effectivement le mettre à la place des cellules solaires qui sont aujourd'hui principalement à base de silicium. Bon, par contre, en termes d'efficacité énergétique, on est beaucoup plus faible que ce qui existe aujourd'hui. Alors, quel est le lien entre cette technologie-là et la conception d'écrans, de téléphones, tablettes, téléviseurs ? Alors, pour en revenir aux écrans, donc entre la technologie des cellules solaires, eh bien, en fait, c'est très peu différent. Parce que la seule chose qui va changer entre les deux, c'est le matériau organique qui va être différent. Sinon, la technologie, c'est-à-dire le support plastique qu'il va falloir rendre conducteur, qu'il va falloir encapsuler, ça reste exactement le même problème à résoudre. Donc c'est simplement le matériau qui n'a pas la même fonction. Dans une cellule solaire, on va lui demander d'absorber l'énergie du soleil et de générer des charges électriques. Dans un écran, on va lui injecter des charges électriques et on va lui demander d'émettre de la lumière. Donc du rouge, vert, bleu pour faire un écran couleur. Je ne pense pas que ça va remplacer complètement ce qui existe dans l'électronique traditionnelle. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas capable de faire une intégration aussi poussée de l'électronique organique, ce que l'on fait aujourd'hui avec le silicium. Donc on ne fera jamais des ordinateurs en électronique organique. Mais des composants de grande surface, de type écran, cellules solaires, des capteurs biologiques pour la biologie, peut-être jetables d'ailleurs simplement, hein, parce que ça c'est très important pour la médecine, avec des fonctions suffisantes pour donner un intérêt aux capteurs. Voilà le reportage du jour sur les développements de cette technologie OLED. Quand on entend ce qu'on vient d'entendre, Georges Adjohanou et Lionel Hirsch, on entend par rapport à ce que vous avez dit aussi tout à l'heure que toute cette technologie a fait énormément de progrès. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas déjà commercialisée ? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas déjà dans nos poches, Georges Adjohanou ? Oui, il faut dire que l'industrie classique de l'électronique, il a des usines qui peuvent produire un certain nombre de gadgets, comme les téléphones classiques ou les ordinateurs. Donc, ils ont des lignes de production. Et ces lignes de production, ils sont adaptées sur un type de process. Donc, les téléphones portables ou les écrans de télévision qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est des OLED, mais c'est des OLED de petites molécules. Là où on attend la rupture, vraiment, dans tout ce qu'on discute aujourd'hui, de les faire flexibles, ainsi de suite, ça peut se faire que, ou avec, beaucoup plus facilement, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les polymères. Pourquoi ? Parce que les polymères, ils sont à même d'être imprimés. Donc, on peut utiliser toutes les compétences et les connaissances qu'on a sur l'imprimerie pour imprimer le journal du jour ou un bouquin. C'est les mêmes exactement techniques qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser. Mais les grandes compagnies électroniques, ils sont un peu difficiles pour aller vers cette direction parce que c'est un gros investissement. Mais quand même, pour donner un peu l'avantage à la France, il y a une compagnie qui s'est créée. Je viens de revenir ce matin de l'association Afelim qui a lieu à Place Vendôme aujourd'hui, où la compagnie Isorg, elle est en train de construire une usine justement basée sur les technologies des impressions pour faire des capteurs qui ont été évoqués par notre collègue Bernard Geoffroy. Et donc voilà, ça a pris un peu du retard pour arriver à ce qu'on voudrait faire, mais parce que il y a le CAPEX qui est impliqué pour créer une industrie avec ce nouveau matériau, il est beaucoup trop grand. Et les marchés, peut-être qu'ils ne sont pas encore là, mais ils commencent à venir. Par contre, ce qu'il a dit notre collègue Bernard Geoffroy, c'est qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir. Ce n'est pas seulement les écrans flexibles. Il y a beaucoup d'autres applications comme les capteurs, comme la biomédecine. Et on va y revenir dans quelques minutes bon, sur cette nouvelle application. Ok, on laisse là, mais voilà. Un mot sur cette mise en production, sur la transformation de l'outil industriel, finalement, ce que vient de dire Georges Yazuanou, c'est ça qui n'est pas encore tout à fait mis en place. Mais puis un mot en règle générale sur le reportage que vous venez d'entendre, Lionel Hirsch. Bah, sur le reportage, il a parlé d'un point qui est assez important, c'est quand on fait de l'optoélectronique, c'est-à-dire qu'on a un composant qui est à la fois électronique et optique, il faut une électrode qui soit transparente. Et une électrode transparente, bah c'est quelque chose qui est absolument incompatible. Si on prend n'importe quel morceau de métal, il n'est pas transparent. Et il y a quelques matériaux, et notamment, il a évoqué l'ITO, qui est un semi-conducteur qui est très dopé, mais qui est transparent. Donc il est à la fois conducteur et transparent. Ça marche super bien. On l'a dans tous les écrans de téléphone. L'ITO, c'est ce qui rend les écrans, par exemple, tactiles, si j'ai bien compris. On utilise ces électrodes transparentes pour faire la partie tactile également. Mais ça a quand même un énorme avantage, c'est que c'est rigide. Mais et quand on le plie, on le casse. Et si jamais on le casse, bon, on perd ses propriétés de conduction. Donc il y a des recherches sur d'autres matériaux de façon à avoir des conducteurs transparents et qui soit souple, voire étirable. Et c'est là qu'on reparle du graphène et des nanotubes de carbone, Georges Adjian, ou pas tout à fait, non ? Pas nécessairement, parce que justement, comme on est dans ce domaine aussi à Bordeaux, avec mon collègue Lionel Hirsch, on s'est rendu compte que ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème seulement que l'ITO il est fragile, c'est un problème stratégique de matières premières qui vient essentiellement de Chine ou d'ailleurs. Donc, on s'est pensé pour faire des électrodes transparents flexibles avec des polymères et avec le graphène ou le nanotube de carbone. Voilà, donc c'est des recherches qui sont là-dedans. Le graphène, c'est un matériau un peu très spécifique. Il a, au niveau des propriétés physiques, c'est un band gap direct. Et il a d'autres propriétés beaucoup plus avantageuses, je dirais, pour la supraconductivité et autres. Mais éventuellement, c'est un matériau qui pourrait faire des électrodes transparentes aussi. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette, c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant je m'avance vers toi, 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma. L'écran noir des nuits blanches de Claude Nougaro sur France Culture à 16h37 dans la méthode scientifique, puisque nous parlons d'écran. C'était l'occasion de se faire un petit peu plaisir avec ce magnifique morceau de Claude Nougaro. Nous parlons d'écran souple précisément, en compagnie de Georges Adziohannou, qui est enseignant-chercheur au laboratoire de chimie des polymères organiques, professeur de chimie à l'université de Bordeaux, et Lionel Hirsch, qui est physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire de l'intégration du matériau au système de l'université de Bordeaux. Alors maintenant qu'on a compris un peu les enjeux physico-chimiques de ces écrans souples, de ces technologies qui peuvent aboutir dans les semaines, dans les mois à venir, à nous doter tous d'écrans souples. On va parler des applications. Alors il faut commencer évidemment par le commencement. On entend beaucoup parler, et on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, de la téléphonie, des écrans. Les constructeurs de téléphones rivalisent d'annonces pour dire que leur prochain téléphone sera pliable, souple, enroulable. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vous faire réagir, parce que, alors, pour dire si on est dans le domaine de la science-fiction ou si c'est une technologie qui vous semble applicable à moyen terme, on parle d'écrans souples qui seraient étirables. C'est-à-dire de dire que, finalement, avec un polymère plastique qui serait étirable, qui pourrait être enroulé dans un stylo, on peut avoir à la fois un téléphone quand on l'étire un peu, puis une tablette, puis pourquoi pas l'étirer jusqu'à avoir une télévision. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est extrapolé un peu vite sur les développements technologiques? Lionel Hirsch, pour commencer. Alors, il y a étirable ou déroulable. Déroulable. Là, non, en l'occurrence, ça serait plutôt déroulable pour un écran, d'accord. Parce qu'on ne veut pas qu'il soit déformé. Mmh. Ça, c'est des choses qui existent déjà en laboratoire. Étirable, c'est autre chose. C'est une complexité supplémentaire. C'est-à-dire, on tire dessus, on le déforme. Et quand on veut avoir des vêtements avec des composants électroniques, là, il faut qu'ils soient à la fois souples et étirables. Et il y a une autre particularité qu'on pourrait faire avec tout ce qui est étirable, c'est par exemple, on parlait de matrices de capteurs de capteurs de lumière. Si jamais on est capable de les faire sur un support qui est étirable, là, ça serait pas mal, parce que du coup, on pourrait se rapprocher de ce que fait la nature. C'est-à-dire, par exemple, la nature, on a des capteurs, un œil, c'est un capteur de lumière, on a une matrice de capteurs, et la forme, c'est un morceau de sphère. Et du coup, l'optique qui est devant est très simple. Juste avec une optique, on est capable de faire une image qui est très nette. Un appareil photo, c'est une matrice de capteurs qui est plate. Et du coup, l'optique qu'on met devant, c'est une optique qui est complexe, de façon à pouvoir faire une image nette sur une partie plate. Donc si jamais on fait une matrice qui est souple, comme la nature, on facilite la technologie de l'optique qui est devant, et du coup, on peut très bien miniaturiser tout ça. Et peut-être pour la téléphonie, il pourrait le faire pour mettre une caméra qui soit toute plate. Mmh. Georges Adziohannou. Oui. En fait, déjà, il y en a certaines compagnies ou des laboratoires qui ont montré ce qui vient d'être évoqué par mon collègue Lionel Hirsch, avec des capteurs qui sont déformables, mais avec un champ électrique et en changeant de mouillabilité de la molécule ou du polymère sur une surface. Donc, on peut le stimuler pour être faire une formation. Mais ce que je voudrais évoquer quand même, il y a beaucoup de recherches qui se font dans le biomédical à ce moment. Bien sûr. Et l'université de Stanford et aussi l'université de Tokyo, c'est Zinanbao et aussi Someya à Tokyo, Zinanbao c'est à Stanford, qui ont montré qu'on peut faire des dispositifs en effet étirables, qui sont des écrans d'électroluminescence, mais en même temps des capteurs pour capter les différents processus physiologiques de l'homme quand on met en contact. Alors concrètement, ça ressemblerait à quoi ? C'est-à-dire qu'on mettrait un film sur la peau et ce film pourrait nous donner un certain nombre d'indications biomédicales. Et du coup, c'est étirable parce que du coup, c'est déformable ça. Comme la peau peut l'être. En même temps, bon, on peut les voir nous-mêmes pour se rendre compte de ce qui se passe, mais on peut les lier aussi avec un émetteur, quoi, une cellule NFC qu'on appelle, qui nos téléphones portables, ils ont ça, et les mettre directement à la banque de données pour être stockés, et ainsi de suite. L'intérêt que je vois ici, si vous voulez, au niveau des applications du futur, aujourd'hui, on essaie de faire des différents dispositifs électroniques pour qu'on puisse suivre notre état de santé, parce que il faut faire un diagnostic, parce qu'on commence à dégrader, et ainsi de suite. Mais si on arrive à faire ce qu'on vient d'évoquer, faire des systèmes qui sont flexibles, étirables, imprimables, et ainsi de suite, on peut les porter, parce qu'ils peuvent être imprimés sur nos vêtements, qui sont toujours en contact avec l'homme, et ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, et ainsi de suite, faire un suivi de notre état de santé, pas parce qu'on est malade déjà, mais faire un suivi et voir s'il y a une amélioration, une dégradation, et prévenir justement l'arrivée où il faut vraiment aller se faire soigner, quoi. Donc, ce système-là, je pense que ça sera une rupture pour le futur. Il y en a beaucoup de monde qui le pense. Nos collègues de grandes compagnies comme Google, Facebook et ainsi de suite. Mais seulement, il faut que la technologie des matériaux et l'innovation qu'on a appris à faire les dernières 40 années, il aille dans cette direction. Donc, étirable, flexible, imprimable, ça nous rend possible des applications qu'on n'a pas pu penser avec le silicium auparavant. Lionel Hirsch, sur ces technologies, sur le secteur médical, il y a effectivement beaucoup de recherches, on parle de deuxième peau. Quelle pourrait être, outre effectivement les vêtements ou le monitoring d'un état de santé, quelles pourraient être les applications justement de ces écrans souples, de ces secondes peaux électroluminescentes qui permettraient d'afficher un certain nombre d'informations en temps réel sur le patient? Alors, ce n'est pas forcément électroluminescente. Là, si on veut faire une peau, on a besoin d'avoir des capteurs. Et ces capteurs, ça peut être des capteurs de pression pour avoir le système de la peau. Ça peut être des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs où on peut avoir la pression sanguine également. Effectivement, tout ça pour faire du monitoring. Alors après, ça a peut-être un côté assez effrayant si Google peut avoir tout ça pour tout le monde. Mais dans certains cas, ça peut être très utile, notamment pour réparer une main, pour faire des mains artificielles. C'est des choses qui seraient très très bien. Alors on va pas parler de l'exploitation des données, on en a beaucoup parlé par les géants d'Internet et je vous renvoie aux diverses émissions que nous y avons consacrées. J'aimerais qu'on dise un mot, alors si quelque chose d'important aussi, alors pas forcément pour la téléphonie, mais pour les écrans, pour la projection, pour la qualité de la projection, de la définition que l'on peut avoir sur ces futurs écrans souples, on a tendance à dire que, ou à penser, c'est peut-être, évidemment, en l'occurrence à tort, que cette définition ne peut pas être aussi bonne ou aussi précise que sur des écrans classiques, type LED, sur des écrans solides. Or, aujourd'hui, les essais que l'on a et les tests que l'on a montrent qu'on peut avoir des écrans souples qui projettent en 8K, c'est-à-dire en très très haute définition. Lionel Hirsch, Oui, en fait, c'est la même, quel que soit le substrat, c'est la même technologie. Après, il suffit de faire sur une plaque ce qu'on est capable de faire sur un écran rigide, on décolle le substrat qui était très souple et on retrouve la même technologie, enfin la même définition qu'on a sur un grand écran classique. La définition d'une image, ce n'est pas la matière active qui émet la lumière qui le fait. C'est ce qu'on appelle les plans d'adressage derrière. Donc, c'est le nombre de transistors et le nombre de pixels qu'on peut construire. Donc là, évidemment, il y a du progrès à faire si on veut le faire entièrement flexible et imprimable. On a du progrès à faire, mais les limites ne sont pas démontrées qui ne nous permettront pas d'y aller vers cette direction. D'accord. C'est-à-dire, on peut avoir les mêmes définitions qu'on a avec les cristaux liquides aujourd'hui. Mais par ailleurs, je voudrais mentionner, peut-être mon collègue Lionel peut parler beaucoup plus, il y a une autre technologie qui émerge, qui s'appelle les quantum dots, qui peuvent remplacer même ce qu'on appelle les polymères ou les petites molécules électroluminescentes. Et d'ailleurs, les compagnies asiatiques, déjà, ils commencent à produire des téléviseurs avec des quantum dots. Les quantum dots, alors, les points quantiques, Lionel Hirsch, c'est déjà le futur de la technologie OLED ou des micro-LED? Non, c'est pas le futur, c'est une technologie parallèle. Parallèle, oui. Alors, une boîte quantique, c'est un semi-conducteur dont les tailles sont très réduites, de quelques nanomètres, et du coup, elles ont les propriétés de luminescence. Et ça a des propriétés de très forte luminescence. Mais souvent, c'est fait avec des semi-conducteurs, genre sulfure de plomb. C'est une technologie parallèle. C'est une technologie qui permet aussi de faire de l'impression, mais c'est pas mieux que ce que l'on a pour les OLED. Peut-être c'est intéressant. Alors, il y a deux choses que j'aimerais aborder. J'aimerais qu'on dise un mot peut-être aussi de l'aspect éclairage et de l'aspect photovoltaïque, parce que vous avez amené ici, on l'a mis sur notre fil Twitter, hein, les photos de ces cellules photovoltaïques et en silicium et en OLED, donc souples et rigides. On perçoit, hein, quand on regarde un peu les futurs développements industriels de cette technologie de polymères luminescents, on perçoit peut-être effectivement un futur où on abandonne bien l'éclairage traditionnel, on abandonne nos lampes actuelles, on abandonne les néons, on abandonne même les LED. Georges Asio Anou. Au fait, pour ceux qui nous écoutent, pour simplifier un peu de façon fondamentale, quand on met du courant sur ces matériaux qu'on vient de parler pendant presque trois quarts d'heure, on a de la lumière qui sort. Mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire que la lumière qui entre et qu'on sort du courant, donc c'est les cellules photovoltaïques. Et en fait, il y en a beaucoup de technologies de photovoltaïque qui sont développées les dernières 60 années, mais il se trouve que les technologies basées aux matériaux organiques sont bon, peut-être 15 ans, et ils ont montré leur existence avec des rendements comparables avec le silicium amorphe, je dirais. Là où aussi le collègue Geoffroy l'a mentionné, c'est que l'avantage qu'on a avec ces matériaux, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes rendements qu'on peut avoir avec le silicium, mais ils ont quand même l'avantage d'être moins coûteux et amortis beaucoup plus rapidement, si vous voulez, par les rendements de l'énergie qu'ils peuvent nous donner. Et en plus, ils sont flexibles, on peut les mettre partout, quoi, et pas lourds. Et pas lourd en plus. C'est-à-dire qu'effectivement, on change là aussi, on change de façon de faire. C'est-à-dire qu'on n'est plus, on n'a plus un lampadaire qui porte une lampe ou une source de lumière. La source de lumière, c'est le lampadaire. Le lampadaire lui-même. Oui, donc voilà. Exactement. Dans le cas des OLED pour l'éclairage, à partir du moment où on est capable de faire quelque chose de souple, eh ben les architectes d'intérieur peuvent avoir de l'imagination. Et c'est d'intérieur ou d'extérieur d'ailleurs. Ou d'intérieur ou d'extérieur. Mmh. Et ce n'est plus comme on avait jusqu'à présent une ampoule qui émet de la lumière. Mais on se retrouve à avoir des surfaces qui soient planes ou alors des surfaces qui peuvent être courbes ou des volumes qui peuvent émettre de la lumière. Mais autant que je sache, il y a un projet européen industriel qui a été honoré l'année dernière, je crois. C'est pour construire un ascenseur où tous les murs ils sont électroluminescents, mais aussi communicants. Donc on pourrait imaginer que dans le futur, je le dis ça à mes étudiants pour qu'ils puissent avoir un job plus tard, ils peuvent faire du papier peint, que ça sera électroluminescent. Donc on peut changer la couleur en fonction de notre humeur. Le papier peint électroluminescent et puis le papier peint avec, tant qu'on y est, avec lequel on peut interagir, pourquoi pas, ben avec oui, lequel oui. On peut finalement oui. Taper des choses sur les murs, on n'a plus besoin d'interface. Non mais je rêve un peu, Lionel Hirsch, vous faites les yeux au ciel, pourquoi pas finalement. Je trouve qu'on a déjà suffisamment d'écrans comme ça pour ne pas en rajouter sur les murs. Hein. J'aimerais pour conclure peut-être dire un mot justement du développement industriel. On a beaucoup entendu l'un et l'autre, surtout vous, Georges Adioanou, parler de l'Asie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brevets qui sont déposés par des compagnies asiatiques, alors que finalement l'origine de ces technologies est plutôt européenne. Ça veut dire qu'on est en train de rattraper en France, en Europe, le retard technologique qu'on a pu avoir sur le développement de ces matériaux, de ces substances, Georges Adioanou. Il y a la science fondamentale, elle est elle était commencée en Europe. L'Europe, il a beaucoup financé cette technologie-là. Et évidemment, on a vu que tous ces produits, en fait, le parti innovation, il vient de l'Asie, mais on essaie de rattraper ça en Europe aussi. J'ai mentionné qu'il y a l'usine de Isor qui se construit à Limoges. Il y a l'usine de Armor à Nantes, près de Nantes, pour faire le photovoltaïque. Et nous aussi, dans le domaine universitaire, l'État français nous a aidés pour construire des plateformes qui ont pu aider les industriels, les startups. C'est là que je vais parler aussi de l'Orpintech. C'est une plateforme dont vous êtes directeur. Oui, qui existe à Bordeaux, mais qui là-dedans, on a mis toutes les technologies nécessaires pour la production, la mise en œuvre, la formulation de nouveaux matériaux, mais aussi utiliser les technologies d'impression pour produire des prototypes et faire ce qu'on appelle passer à l'état pilote. Donc, tous les scientifiques ils sont invités pour utiliser ces moyens qui existent en France. Bon, cette plateforme n'est pas unique en Europe, il y en a plusieurs, mais ici, en France, on a focalisé avec les industriels de chimie comme Arkema pour donner naissance aussi sur la production de la matière première qui vont être utilisées plus tard pour faire tous ces gadgets, quoi. Et oui, à 16h52, il est temps, comme tous les mercredis, de retrouver le futur de la recherche à travers des chercheurs, des jeunes chercheurs, des jeunes scientifiques qui viennent nous parler de leurs travaux de recherche et de leurs travaux de thèse. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tanguy Jousselin-Aubat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse dans les laboratoires du CNRS à l'Institut Lavoisier de Versailles, à l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Merci. La thèse sur laquelle je travaille au laboratoire du CNRS sous la direction du docteur Michel Frigoli consiste en l'élaboration de nouveaux matériaux organiques pour des applications optoélectroniques. Alors, organique, cela veut dire que ce sont des molécules essentiellement composées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, et optoélectronique veut dire optique et électronique. Alors, quand on parle d'électronique flexible, on parle du device, du dispositif. Moi, mon travail se situe plus en amont de la confection de ces systèmes puisque je suis chimiste. Et le gros de mon travail consiste, comme je le disais avant, dans l'élaboration, c'est-à-dire le design et la synthèse de nouvelles molécules organiques, fluorescentes ou semi-conductrices, cela pour des applications dans les nouvelles technologies optoélectroniques, comme les transistors organiques, mais également les OLED, voire également les PHOLED, qui sont donc les OLED flexibles. Alors, la fluorescence, c'est la capacité ou la propriété d'un composé à émettre de la lumière lorsqu'elle est excitée. C'est cette propriété qui est exploitée dans les OLED, où les molécules vont être excitées par un apport en énergie électrique. Ces molécules fluorescentes, à l'état excité, vont se désexciter en émettant de la lumière. Actuellement, les OLED de première génération n'ont que 25% d'efficacité. Les OLED de seconde génération, elles, ont une efficacité de l'ordre de 100%, mais elles nécessitent l'utilisation de métaux rares en plus des molécules organiques, ce qui augmente énormément les coûts de production, mais également, si l'on peut dire, les coûts environnementaux, puisque ce sont des ressources non renouvelables et difficilement recyclables. Les molécules que nous élaborons au laboratoire pour les OLED de troisième génération visent à permettre de s'affranchir de ces métaux rares tout en obtenant des efficacités de l'ordre de 100%. Le but étant également d'avoir des composés stables qui pourront avoir une utilisation sur plus de 10 000 heures. Le challenge dans l'élaboration de ces molécules se situe à plusieurs niveaux. Pour avoir un composé efficace dans ces applications, il y a plusieurs prérequis. La molécule doit d'abord avoir des niveaux énergétiques convenables. C'est ce qui va déterminer l'énergie à fournir pour exciter la molécule, mais également la longueur d'onde d'émission, c'est-à-dire la couleur de la lumière émise. D'autre part, les molécules doivent pouvoir s'assembler entre elles à l'état solide de manière efficace. C'est-à-dire que les charges positives et négatives doivent pouvoir circuler dans la molécule, mais également dans l'ensemble du matériau, et donc cela d'une molécule à l'autre de manière à peu près égale. Et j'en parlais juste avant, mais les composés doivent également être stables. À cela, on peut rajouter le challenge synthétique. Il faut élaborer une voie de synthèse simple et efficace qui nous permette d'obtenir les molécules cibles en quantité et pureté suffisantes. Dans un premier temps, nous designons les molécules que nous voulons synthétiser. On peut s'aider pour cela de calculs théoriques et de simulations afin de voir si les niveaux énergétiques sont intéressants et également si l'assemblage à l'état solide peut être potentiellement efficace. Dans un deuxième temps, nous élaborons une voie de synthèse qui nous permet d'obtenir les composés cibles. C'est ce qui est vraiment le gros de mon travail. Une fois les composés obtenus, nous caractérisons leurs propriétés chimiques, optiques et électroniques pour montrer leurs potentielles applications ou non dans les dispositifs électroniques de demain. Également, nous modifions légèrement la structure de ces molécules pour voir l'influence de ces modifications sur les propriétés optiques et électroniques du matériau. Alors, nous travaillons au laboratoire surtout sur des molécules pouvant émettre dans le bleu et le rouge, mais également pouvant émettre dans l'infrarouge, par exemple pour des applications militaires. Une des propriétés que nous cherchons à obtenir dans nos matériaux est l'ambipolarité, c'est-à-dire la capacité du matériau à transporter à la fois les charges positives et négatives. Nous travaillons également sur des molécules semi-conductrices pour les transistors organiques. Actuellement, la miniaturisation de l'informatique est bridée par l'utilisation du système dans les transistors et nous cherchons donc à trouver des composés qui peuvent remplacer le silicium dans ces applications. Au final, un transistor, c'est un peu comme un interrupteur qui va, par exemple, permettre à un pixel de l'écran de s'allumer ou pas et donc réduire la taille des composants électroniques, c'est un pas de plus vers la flexibilité et la portabilité des dispositifs électroniques. Merci beaucoup Tanguy Jousselin. Au bas, Georges Adjuanou, Lionel Hirsch, une réaction à ce que vous venez d'entendre, à ces travaux. Félicitations, c'est un projet très élaboré. Je vous souhaite bon sens parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'espère que vous allez faire des diodes dans l'infrarouge parce que... Pour des applications militaires. Pas seulement. Parce que demain, notre voiture, ils auront à voir une... C'est qu'on a fait une vision nocturne, donc on pourrait les intégrer dans les pare-chocs. Pour les voitures automatiques, entre voilà. autres, il y en a dire, une réaction à ces travaux de recherche de Thierry Jousselin-Aubat. Effectivement, les militaires ont assez de jouets comme ça. Ah ouais, on a assez d'écrans, les militaires ont assez de jouets. Bon, si on écoute Lionel Reich, on arrête tout aujourd'hui et on retourne au Minitel. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est un excellent sujet de thèse, hein, parce que les matériaux qu'on a actuellement pour les OLED les plus performantes, il y a des métaux rares, et notamment l'iridium, qui est peut-être le métal le plus rare qu'on ait sur la planète. Et si on peut s'en passer, c'est très bien. Et notamment en ayant recours aux nanotubes de carbone ou au graphène dont on parlait tout à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci Tanguy Jousselin, au bas, bon courage pour vos travaux de recherche. Merci Lionel Hirsch, merci Georges Adjuanou. Si vous voulez vraiment vous plonger dans le sujet, eh bien vous pouvez lire Polymère électronique, c'est en anglais, c'est aux éditions Oxford de Georges Adjuanou, coécrit avec Marc Géogégan. Bien voilà, vous saurez tout sur justement cette recherche sur les polymères électroniques qui conduisent aujourd'hui à la recherche sur les écrans souples. Et puis un mot pour vous dire évidemment que samedi c'est le forum L'année vue par les savoirs consacré aux révolutions de l'intelligence. Nous y parlerons de 15h30 à 16h30 de l'intelligence artificielle. Sera-t-elle le prochain prix Nobel ou au contraire est-elle destinée à être bête? Eh bien on en parle dans un instant. Et puis une petite promo qu'on va vous mettre dans quelques secondes pour avoir tout le programme. En tout cas c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire sur maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Sarah Ijmans, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. Dans un instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire consacrée à la marche des banlieues par Sébastien Descartes et Véronique Samouiloff. Au grain à moudre, aux alentours de 18h20, se demandera si les réseaux sociaux sont mortels. Vaste question. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, pour notre jeudi Histoire des sciences, nous vous conterons une histoire géologique, climatique et géographique. Ce sera l'histoire du Sahara demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.